barrio, el barrio, el barrio, el barrio. Mulata al barrio, bambucci il barrio, ma per avas Mario, on is keep blessing con Mario. Allez ciao, vamos. Des kinder à l'épi, j'peux ou passer l'été. Tourne le monde, j'veux le cambrioler. On les baisse, baisse, baisse, ça vient pour la paye. Oh ma bella, dans ma tête, vois ma bella. Que des habits sauvages, vaches, vaches, que des lions. Oh ma bella, j'prends le jet, jet, jet, jet, jet, jet, jet. Plonge de l'or, jet, jet, jet, jet, set. Des années retour sur la scène. Tout un indien choqué sur la croisette. Oh là là, j'suis andalé. Ça y est, j'vais m'en aller. J'me balance, j'veux le perroquet. J'rigole, mais menotté. On change de paysage, tu me verras dans le virage. Demande à un habitat, y'a les galactiques, j'vais éviter le grillage. El barrio, el barrio, el barrio, el barrio. Moula dans le barrio, on bouge du barrio. Ma belle avance Mario, on esquive les cibles comme Mario. Allez ciao, vamos. On se bat la mala mala mala mala mala. Loin du barrio. On se bat la mala mala mala mala mala. Loin du barrio. On se bat la mala mala mala mala mala. Loin du barrio. On se bat la mala mala mala mala mala. Allez ciao, vamos. Patron de mon avocat, j'me balade sur Marseille tout sans local. La pharmacie la soli on la bloqua. Brunette bien par les bengas. J'ai les pimpons pour un pour un pompon. Aha, elle est bien chargée, sans le bon bon bon. Baila, tranquille j'm'arrête à Saint-Antoine. Ouais j't'épanne mon pote en panne. Le poteau fume la Marie-Jeanne. Patoco check check ça ravitaille. Laissez-moi voyager. Chapeau de paille ganté. Y'a des tueurs cachés, prêts à les cracher. J'me barre à Salou, ce soir on va où? Demande à Nico, elle bouge son boule, la fusée voit flou. El barrio, el barrio, el barrio, el barrio. Moula dans le barrio, on bouge du barrio. Ma belle avance Mario, on esquive les cibles comme Mario. Allez ciao, vamos. On se bat la mala mala mala mala mala. Loin du barrio. On se bat la mala mala mala mala mala. Loin du barrio. On se bat la mala mala mala mala mala. Loin du barrio. On se bat la mala mala mala mala mala. Allez ciao, vamos. Moula dans le barrio, on bouge du barrio. Ma belle avance Mario, on esquive les cibles comme Mario. Allez ciao, vamos. On se bat la mala mala mala mala mala. Loin du barrio. On se bat la mala mala mala mala mala. Loin du barrio. On se bat la mala mala mala.